Quelle joie d'être ici, je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu besoin de braver une très grande tempête ce matin, mais c'est un peu plus frisqué que le mois passé. Bien entendu, ce matin, on poursuit notre méditation sur l'épître de Tite. Et je suis avec intérêt certainement les enseignements de Daniel, de Patrick et... de Noël, pour ne pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit, là, ça paraît très mal. Non, mais ici, la parole de Dieu, la saine parole de Dieu. Alors, c'est vraiment une joie d'entendre et de pouvoir continuer à suivre le texte biblique. Ce matin, les œuvres de la grâce. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prie. Ah, Seigneur Dieu, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes ici, à Victoriaville, d'avoir la liberté de venir se rassembler. On était un peu inquiets à ce sujet. Mais Seigneur, merci parce que ton Église, c'est le rassemblement des croyants qui s'encouragent, qui s'édifient, qui te célèbrent et qui entend ta parole. Seigneur, mon Dieu, ce matin, ma prière est que ta parole encore trouve place dans nos cœurs, afin qu'elle puisse nous transformer, afin que nous puissions vivre pour faire honorer la doctrine de notre Sauveur. Seigneur, merci que tu as été venu vers nous. Tu es mort à la croix pour nous racheter, pour que nous t'appartenions comme tes enfants bien-aimés et que nous puissions apprendre de toi, grandir avec toi et manifester ta présence autour de nous. Alors Seigneur Dieu, parle-nous encore par ta parole. Aide-moi à communiquer clairement, simplement, fièrement ta parole ce matin. Je te prie au nom de Jésus, mon merveilleux Sauveur. Amen. Ce matin, j'aimerais commencer par un peu rappeler le fil conducteur de l'épître de Tite jusqu'à maintenant. Et si vous avez votre Bible, on peut juste presque suivre à travers. Là, Tite au chapitre 1, les quatre premiers versets, bien c'est Paul qui se présente comme un serviteur qui appartient à Dieu, qui est aussi un apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire un ambassadeur officiel de Dieu, de Jésus. Et sa mission, c'est le progrès dans la foi et le progrès dans la connaissance de la vérité des élus de Dieu, de ceux que Dieu a choisis. Et il s'assure que cette foi et cette connaissance, elle est selon la piété. Elle se manifeste par un comportement pieux, un comportement qui est digne de Dieu. Et Paul dit, ben, j'écris maintenant à Tite, celui que j'ai fait naître dans la foi, il a dû lui partager l'Évangile et il a accepté le Seigneur, et il dit, je t'ai laissé en Crète, et je te laissais en Crète pour redresser des choses, des certaines situations, puis il ne nous les explique pas à ce moment-là, mais aussi pour mettre en place des responsables dans chaque ville. Et il dit que tu les mettes en place selon les instructions que je t'ai données. Alors, il a dû donner des instructions, comment on faisait pour mettre en place des anciens, comment on devait les choisir, les sélectionner, les éprouver, les élire, etc. Et à partir du verset 5 à 9, il va parler à ce moment-là du leadership des anciens. Bien entendu, le leadership des anciens, les responsables dans l'Église, c'est absolument primordial pour la santé spirituelle de l'Église locale. Alors, il faut sélectionner, il nous est dit, ces anciens sur la base de leur réputation. Quelle réputation ont-ils de façon familiale et de manière dans le public, de façon publique aussi. Dans ces deux sphères-là, l'ancien doit être reconnu comme sans reproche, irréprochable. Pas dans le sens de parfait, là, sans péché, mais dans le sens d'être pas attaquable facilement. « Ah, je le connais, René! Tu sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? » Et là, ma réputation, « Ah, je m'en vais au centre d'achat. Vous avez comme pasteur René Labbé? On le connaît, nous voyons donc, c'est là. » Il doit avoir une bonne réputation à l'intérieur comme à l'extérieur et pas facilement attaquable dans sa conduite chrétienne. L'ancien doit être caractérisé plutôt, il nous mentionne, par sa maturité spirituelle parce qu'il a l'âge et parce que l'expérience. Et au verset 7, il dit, car il faut que l'évêque, il est un économe de Dieu, l'évêque épiscopos, il est le surveillant, il surveille, il veille sur. Puisqu'il veille sur le troupeau, ben, il doit être, il nous est dit, attaché à la vraie parole. Il doit être fermement attaché à la parole de Dieu pour être capable de paître le troupeau, pour être capable de l'exhorter le troupeau, pour être capable de protéger le troupeau. Parce que bien souvent, il va avoir à confronter des contradicteurs. Alors, il nous est, c'est ça, et dans les versets 5 à 9. Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, selon la doctrine qui produit la santé spirituelle et de réfuter les contradicteurs. Versets 10 à 16. Parce que voyez-vous, il y en a des contradicteurs. Il y en a des personnes qui sont des gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs, il nous a dit. Puis l'ancien doit être capable de réfuter les contradicteurs selon la saine doctrine. Saine, la doctrine qui est hygiénique, la doctrine qui favorise une foi qui est saine, une foi qui est en bonne santé. Et pour ça, les contradicteurs et les faux enseignants, Paul y dit à titre, ils sont nombreux en Crète, puis surtout parmi les Juifs. Mais regarde-les, il dit, leur attitude et leur action contredisent la foi chrétienne, et en plus, ils sont en danger de détourner, pas juste en danger, il dit que ça a commencé à se faire, ils détournent la foi de familles entières. Alors, ils doivent être fermement repris. Ils doivent être fermement repris parce que si on ne le fait pas, d'autres familles vont glisser hors de la foi. Et finalement, glisser hors de la foi, c'est glisser selon la réputation de la société qui les entoure. Ils seront plus différents parce que chrétiens, mais ils vont ressembler à tout le monde. Et il y avait déjà des belles notions sur tout le monde en Crète. Hein? C'est une gang de menteurs, c'est des bêtes sans culture, puis c'est des gens que le centre de leur vie, c'est leur estomac, paresseux. Ce n'était pas la meilleure réputation. Mais ça, c'est les gens de Crète. C'était les gens de Crète. C'est pas, Alors, je comprends un peu ce que Patrick mentionnait avec la photo, une main de fer dans un gant de velours. Paul dit, oui, tu dois avoir une main de fer. Puis, mets-en pas trop de velours. Il a besoin d'être repris sévèrement. On doit confronter les contradicteurs. Et on arrive au chapitre 2. Comment? Mets-toi, titre, au contraire des contradicteurs, toi, tu dois enseigner selon la saine doctrine, selon l'enseignement pur. L'enseignement apostolique, cet enseignement qui est non contaminé, l'enseignement de la foi chrétienne. Et tu vas enseigner d'abord, il met en âge à partir de l'âge, les hommes âgés, les gens qui ont avancé en âge, et leurs caractéristiques à eux, ces hommes-là, ils doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles de modération, des modèles d'équilibre. Et surtout, des modèles dans le domaine de la santé spirituelle. Il dit, ils doivent être saints, encore S-O-I-N-S, non contaminés. C'est le mot toujours hygiène que l'on a en français, pur. Saint en ce qui concerne la foi, en bonne santé spirituelle en ce qui concerne la foi en Dieu, en bonne santé spirituelle en ce qui concerne l'amour, la charité pour le prochain et en bonne santé spirituelle en ce qui concerne la patience. Personnes âgées, des fois, on devient de moins en moins patient. Et la patience aussi. Et dit maintenant aussi pour les dames âgées, ben elles aussi, elles doivent être des modèles, il nous dit, des modèles de sainteté. Des modèles de maîtrise de soi. Et un ministère qu'elles ont en particulier, ces dames âgées, je veux dire, quand le nid est vide, là, j'imagine, quand les enfants sont partis, c'est de s'investir dans l'éducation des jeunes dames. Ça, c'est un ministère qu'ils ont en particulier, de s'investir dans le ministère d'éducation des jeunes dames. les entraînant à aimer leur mari, les entraînant à bien gérer leur maison. En fait, en coopérant avec leur mari, bien, les jeunes dames vont faire du foyer un endroit où il fait bon vivre. Je pensais, en pensant à ça, à Caro. Je ne sais pas, qui connaît Caro? Il faut avoir au moins 50 ans. Là. J'essaie, il y en a-tu qui ont moins de 50 ans? Caroline Varry, c'est une chanteuse du siècle dernier, à mon âge, et qui était très populaire, puis qui est devenue chrétienne, et qui chante, qui a donné son témoignage. Et dans son témoignage, elle parle comment elle a entendu l'Évangile, et une fois, elle a été invitée à rester chez une famille. Et puis elle a aimé ça, la famille-là. C'est une famille, elle n'était pas chrétienne à ce moment-là, mais elle assiste une famille chrétienne et elle trouve l'amour, la joie, ça sent bon là. C'est des gens merveilleux, ils brillent l'Évangile. Et elle écrit un chant après, elle n'était pas chrétienne. Et vous savez c'est quoi le titre du chant? Les gens sympathiques. Ça sent bon chez vous, il y a de la joie chez vous, je suis heureux d'être arrivé chez des gens sympathiques. Qui connaît cette chanson-là? Ah, ils ont tous 50 ans et plus, là. Mais elle a écrit un beau chant qui était dans la radio, là. Je veux dire, c'était pas... Les gens sympathiques. Les dames âgées vont montrer aux jeunes dames à aimer leur mari, à bien gérer leur foyer, de sorte que ça va être excitant d'aller là. Puis les maris, ben après leur travail, ben ils vont vouloir passer le 5 à 7 avec leur épouse, avec leur enfant dans leur foyer, bien plus que d'aller au bord du coin pour passer le 5 à 7. Je vois ça trop souvent aujourd'hui. Des maris qui n'ont pas hâte de retourner à la maison après le travail. Ils ont hâte de se ramasser avec le chum au bord du coin pour un 5 à 7. Des fois 7 à 9. Des fois 9 à 11. Ce ne sera pas comme ça dans le foyer chrétien. Oh, ça, c'était pas dans le texte, excusez. Pour les jeunes hommes, il dit... Ce qui est important, la maîtrise de soi, la modération. Parce que, voyez-vous, la jeunesse, ça rime souvent avec impulsivité et excès. Alors, Tite, lui, doit être un modèle, tant dans sa vie personnelle que dans son enseignement. Et finalement, il parle des esclaves croyants, indépendamment de leur âge, qui doivent manifester le caractère chrétien envers leur maître. De manière à ce que leur soumission volontaire, leur soumission active, leur travail honnête, leur travail fidèle vont donner pleine satisfaction à leur employeur. Et Paul de mentionner, bien, pourquoi ça? C'est quoi l'objectif de toutes ces recommandations-là pour toutes les gens de l'Église? Bien, il nous mentionne au chapitre 2, verset 5. « Afin... » que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, afin que les gens autour respectent la foi chrétienne. Il dit au verset 8, une parole sainte et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, afin que les chrétiens soient de bons porte-paroles de Dieu, afin que les chrétiens aient un bon témoignage, vu que les gens ne peuvent pas les pointer, vous dire, hein, t'es chrétien, ben regarde ça. Et il nous est dit au verset 10, « Afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur, afin de rendre le christianisme attrayant, faire honorer, c'est le mot « cosméo » en grec. On a le mot « cosmétique », afin de rendre le christianisme cosmétique beau. Comme on employait le mot « cosméo » pour mettre en valeur un bijou. Et vous, si vous allez à une bijouterie, là, vous allez voir des belles pierres. Mais vous ne verrez jamais une belle pierre sur rien. Ça va toujours être un beau tapis de velours noir Et là, ça va faire ressortir tous les brillants de la pierre. Ça, c'est cosméo, cosmétique. Les dames aussi connaissent ça, le mot cosmétique, pour mettre en valeur le plus possible leur personne. Mais il dit, afin que de faire honorer en tout la doctrine de notre Sauveur, afin que le christianisme soit attrayant, afin que ce soit beau, afin que les gens en veulent du christianisme. Et ça, c'était le thème de du livre de Tite. Vivre de manière à faire rayonner la doctrine de notre Sauveur. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut accomplir toutes ces recommandations que Paul donne à Tite? Bien, Paul va dire « à cause de la grâce ». Que ça va vouloir avancer. On a passé deux mains. Et c'est le texte que nous regardons ce matin, Tite chapitre 2, les versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses. Exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Comment est-ce qu'on va pouvoir accomplir les recommandations? Par l'œuvre de la grâce de Dieu. Et la première œuvre de la grâce de Dieu, c'est qu'elle sauve. Car la grâce de Dieu, source de salut, dans le texte original, source de salut, c'est-à-dire, c'est un adjectif. Alors, la grâce sauvante, la grâce salvatrice de Dieu nous enseigne pour tous les hommes. La grâce de Dieu sauve. Voyez-vous, Dieu a pris les devants. Il emploie le mot « manifeste », a été manifesté. La grâce de Dieu a été rendue visible. Quand il y a des manifestations dans la société, tout le monde reste chez eux puis reste dans leur salon comme ça. Où est-ce qu'ils se montrent de façon visible? C'est une manifestation. J'en connais pas, moi, des manifestations où les gens restent assis dans le salon. Une manifestation, c'est toujours rendu visible, rendu évident pour tous. Une démonstration publique. Alors, Dieu a manifesté. Il a pris les devants, il a rendu public, et ce mot manifester est très important dans le titre, chapitre 1, verset 3. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication. Il a rendu visible sa parole dans la personne de Jésus, le Logos, la parole vivante, et par la prédication par la suite de la croix. Ici, il a manifesté sa grâce comme source de salut dans la personne, dans l'œuvre de Jésus. Et on va voir au chapitre 3, verset 4, il a manifesté sa bonté et son amour pour tous les hommes en les sauvant. Il a rendu visible la... Alors ça, c'est le prochain message. Du prochain. C'est-tu toi, Daniel, le prochain? Il a rendu visible, Patrick, je pense. Il a rendu visible en sauvant du monde. Dieu a pris les devants parce que Dieu est un Dieu sauveur. La grâce de Dieu, source de salut. Dieu est un Dieu sauveur qui veut sauver tous les hommes, pour tous les hommes a été manifesté. Et sur la base du sacrifice de son Fils Jésus, Dieu a l'intention, a le désir, a le souhait de prendre un pécheur coupable et de le réconcilier avec lui, en lui donnant même le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et sais-tu manifester sa grâce? Et sa grâce salutaire, il l'offre à tous les êtres humains. Je pense qu'elle a déjà été mentionnée, 1 Timothée et Tite sont des lettres un peu parallèles. Paul écrit à Tite à Crète, puis Paul écrit à Timothée pour qu'il reste à Éphèse. Et le contenu, il y a beaucoup de contenu, des thèmes qui sont similaires. Et Paul reprend ce même thème-là à 1 Timothée. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et un peu plus tard, il va dire, nous mettrons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, particulièrement des croyants. 1 Timothée chapitre 2, 3 et 4 et 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les êtres humains, il leur offre, parce que Dieu est un Dieu sauveur, particulièrement des croyants. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Pourquoi est-ce que tous ne sont donc pas sauvés? Parce que pour la grâce du salut, bien qu'elle soit suffisante pour tous, elle n'est efficace que pour celui qui croit. La grâce est offerte à tous, mais la grâce doit être saisie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu veut sauver tous les hommes, et ce salut est efficace pour quiconque croit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est la promesse de Dieu dans Romains chapitre 10. Et Dieu veut et sauve encore aujourd'hui, parce que c'est ça, il est le Dieu sauveur, il est le Dieu dans le processus de transformer des condamnés en pardonnés, de transformer des perdus en sauvés, de transformer des esclaves du péché en serviteurs du Dieu vivant. Ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et c'est cette grâce de Dieu qui sauve. Dieu a manifesté sa grâce envers chacun de nous. Ma simple question encore ce matin, c'est est-ce que tu as répondu par la foi? Est-ce que tu peux dire, moi je suis sauvé, pas parce que je suis meilleur que personne d'autre, parce que j'ai reçu de la part de Dieu son cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça doit se recevoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'espère que ce matin, il n'y a pas personne qui peut quitter ici sans savoir, « Hey, moi, je sais que je suis sauvé. La grâce de Dieu s'est manifestée à mon égard, puis je l'ai accueillie. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. » Et si ce n'est pas cette assurance-là, s'il te plaît, parle à quelqu'un. Parle-moi, moi, quelle joie j'aurais de te présenter mon sauveur merveilleux qu'on va célébrer ce matin par la table du Seigneur. La grâce de Dieu sauve. La grâce de Dieu, il nous est dit aussi, elle enseigne. La même grâce qui sauve le perdu. Et c'est cette grâce-là qui continue d'enseigner le croyant, d'enseigner le sauvé. Il dit au verset 12, « Elle nous enseigne. » Qui ça, c'est « elle » Un vrai professeur de français qui est en train de dire ça. Hein? « Elle », c'est qui ça, « elle » La grâce. La grâce nous enseigne. Et le mot « enseigner » ici, c'est « paideo », c'est le verbe de « éduquer ». Éduquer des enfants, la pédagogie. Vous allez voir un pédiatre, pas un pauvre, mais un pédiatre pour les enfants. La grâce de Dieu nous éduque. Elle nous instruit, elle nous enseigne comme des parents. Elle nous enseigne et comme des bons parents. La grâce de Dieu enseigne à dire non. Arrives-tu sur les parents qui disent ça à leurs enfants? Non. Ou elle enseigne à dire oui, oui, oui, oui. Ou elle enseigne à dire attends. La grâce de Dieu fait ça pour nous. La grâce de Dieu, elle commence par nous enseigner, nous éduquer à dire non, à renoncer à l'impiété. Et souvent, on a besoin de faire du ménage dans ce qui ne plaît pas à Dieu avant de produire des œuvres qui lui plaisent. Et c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne, nous éduque, nous instruit. Elle nous instruit à renoncer, à prendre la décision volontaire d'abandonner l'impiété et les convoitises mondaines. Pas juste d'être attristé au sujet des mauvaises pratiques, des mauvais désirs que l'on a. C'est pas suffisant d'être attristé de trop manger. C'est pas suffisant, ça. Ce qui est suffisant, c'est de prendre la décision de garder le frigidaire fermé, de garder, chez moi, la porte des biscuits, là, c'est sa tablette. Là. Si j'ouvre la porte des biscuits, je suis faite. la décision est prise. C'est pas « Ah, j'ai mangé des socialty ben trop à soir en regardant l'hockey. » Ben non. Je sais que c'est là que les chips se trouvent. Je sais que c'est là que c'est les biscuits. Et de la minute que j'ouvre la porte, je suis fait. Alors, c'est pas d'être attristé après. C'est de prendre la décision volontaire de dire non, la porte reste fermée. L'impiété, renoncer à l'impiété, renoncer à tout ce qui manque de respect, de révérence envers Dieu, tout ce qui nous éloigne du caractère de Dieu, à travers tout ce que l'on peut regarder. Oui, on peut regarder plein de louanges sur Internet aujourd'hui, mais on peut regarder toutes sortes de cochonneries sur l'Internet aussi. Et il faut renoncer à tout ce qui descend l'honneur de Dieu dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends. J'ai besoin de fermer les oreilles des fois à tout ce que j'entends autour. Là, je pense au psaume 1, là. Heureux l'homme qui ne s'assit pas, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas. On a besoin de dire non, de dire non à l'impiété dans ce que nous proclamons. Parce que des fois, même les chrétiens, dans leur vocabulaire, dans ce qu'ils disent, souvent ils déshonorent leur Dieu. Des fois, pour avoir l'air un peu plus court. Renoncer à l'impiété. Renoncer aux convoitises mondaines, à ses passions, à ses désirs qui tout ce qu'ils recherchent, c'est la satisfaction terrestre. Mondaine, cosmique est le mot grec ici, du cosmos. Rien de plus élevé que ça. Jean va la définir comme la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Paul va dire dans Romains chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ces convoitises. Dites non, renoncez à... Vous connaissez l'histoire des chenilles et des papillons? Comment ils se nourrissent? Les chenilles, ils se nourrissent à terre. Ils mangent des feuilles. Ils restent à terre, ils mangent des feuilles. Mais soudainement, ils se transforment en papillons. Et là, ils commencent à voler dans le ciel. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pas les choses de la terre. Soyez papillons dans votre alimentation plutôt que chenilles. Cherchez les choses d'en haut. Dites non aux convoitises mondaines qui nous assaillent tellement facilement. Dire non, la grâce enseigne à renoncer, mais la grâce enseigne aussi à vivre, à dire oui à une vie chrétienne de qualité. Parce que le christianisme, c'est pas une série de fais pas, touche pas, mange pas. Mais c'est d'être capable de dire non à tout ce qui m'empêche de vivre pleinement et de dire oui à tout ce qui contribue à la vie abondante. Au christianisme qui va être victorieux, qui va être attrayant, qui va faire honneur à toute la doctrine, en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ça, c'est le christianisme. Un christianisme victorieux, attrayant, de vie abondante. Paul va dire à Timothée, encore chapitre 6, verset 12, il dit, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » La vie éternelle est pour être saisie, pas juste au ciel, mais ici-bas, par des bonnes choses. Apprendre à vivre ici-bas, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Selon la sagesse, apprenons à vivre sagement, c'est-à-dire en relation avec nous-mêmes. Sagement par le discernement, par le contrôle de nos pensées, de nos appétits, de nos passions intérieures. Vivre sagement. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Considérer qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Vivre sagement. Vivre aussi justement. Et la justice, ça est en relation avec ceux qui m'entourent. Vivre de manière à être le sel de la terre, le sel qui préserve, le sel qui guérit, le sel qui donne du goût. C'est à ça que servait le sel au premier siècle. Encore aujourd'hui, vous en mettez dans vos assiettes probablement pour le goût. Et nos Premières Nations, quand j'étais à Chefferville, ils prennent le poisson puis ils mettent en plein de sel là-dessus pour le préserver. donner du goût. Vivre justement comme sel sur la terre, comme lumière du monde, qui brille, qui font briller le christianisme par notre bonne conduite, par nos bonnes conversations. Vivre sagement, vivre justement, vivre pieusement. Renoncer à l'impiété, mais vivre pieusement en relation avec Dieu, en étant fervent dans notre adoration. J'aime ça quand on est ensemble, comme Sylvain mentionnait ce matin. C'est incomparable la différence d'être ensemble pour célébrer Dieu. Savez-vous, moi j'ai accepté le Seigneur il y a quelques dizaines d'années. Et à ce moment-là, il y avait la TV le dimanche matin avec un monsieur qui s'appelait Rex Hombard. Déjà que j'ai entendu ça? Ah ben, mes amis, vous avez tous 50 ans. Avec Rex Hombard. J'ai accepté le Seigneur par le ministère de Daniel, Christine, mais le dimanche matin, quand mes parents allaient à messe, moi, je restais, j'écoutais Rex Hombard, puis je mettais ma main sur la télévision pour dire oui, je prends position. Et en tout cas, je n'ai pas été sauvé là, mais à travers le ministère. Et quand j'étais sauvé, je suivais bien toutes ces émissions-là, sauf que j'allais à l'église le dimanche. Mais à un moment donné, il y avait Rex Hombard qui disait, on va partager la table du Seigneur à la télévision, puis je vais vous envoyer une petite coupe, puis vous avez juste à prendre du pain. Et là, c'est là que j'ai arrêté. Puis je disais, les Écritures, puis je disais, non. La parole de Dieu a dit que quand on prend la table du Seigneur, il faut voir le corps de Christ. Il faut être ensemble. Il faut s'encourager. Il y en a qui viennent, qui ont faim, qui ont mal au ventre, des gens qui rentrent, qui sont chauds, qui sont sur le dos. Il faut être ensemble. Il faut célébrer ensemble. J'ai arrêté de suivre ça à TV. Ça fait 40 quelques années. Aujourd'hui, on a l'Internet, puis il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent rester comme disait Sylvain. Je parle trop. Qui restent dans leur salon, puis disent, regarde, moi, j'ai ma vie chrétienne, est correcte ici. Et ça, ben, non. La vie chrétienne, c'est une vie de communauté. Une communauté ensemble. Vivre pieusement dans notre relation avec Dieu, tant dans notre adoration, dans nos prières, dans nos louanges, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Il n'y a pas de problème à adorer Dieu dans mon salon, puis regarder YouTube, je fais ça régulièrement, puis j'aime ça. Mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin des frères et des sœurs pour louer Dieu. Vivre pieusement en recherchant la face de Dieu dans nos méditations. Se garder d'oublier Dieu. Une chose qui m'étonne quand je lis le livre de Deutéronome. Moïse, il est pour mourir, puis c'est son dernier speech avant de partir. Et quelque chose qui répète, il dit, « Gardez-vous d'oublier Dieu. » Parce qu'une fois qu'on oublie Dieu dans notre quotidien, c'est pas long qu'on drifte, si je peux dire, qu'on glisse, puis qu'on va suivre la société qui nous entoure avec les valeurs qui nous entourent, qui ne sont pas celles que Dieu nous donne. Garde-toi d'oublier Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre pieusement en relation avec Dieu. Et finalement, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à attendre, à regarder en avant, à anticiper le futur, à combattre en attendant la délivrance finale, d'être là et de regarder en avant. Le Seigneur revient bientôt. Dans mon rang à Irlande, mon voisin d'en face, il y a deux filles qui prennent l'autobus à 7h05 le matin. Sébastien, si tu entends ça, là, ris avec moi, mon voisin. Mais des fois, je me lève avant 7 heures, puis je les vois, les deux filles, puis ils regardent. Des fois, c'est frette cette semaine, ils regardent et ils attendent. Ils sont là, mais ils attendent l'autobus qui arrive. Et nous, on devrait être là, et on devrait attendre, on devrait avoir les yeux fixés le matin, en se levant peut-être, les yeux fixés sur Jésus. Attendre son retour. Notre motivation, notre marche chrétienne, ce n'est pas basé seulement sur la vie présente, mais sur notre anticipation de la gloire à venir, la bienheureuse espérance. Et d'ailleurs, il avait mentionné dès le début, chapitre 1, verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, la bienheureuse espérance de la vie éternelle avec Jésus. Jésus qui va venir, qui va racheter mon âme, la rédemption de nos corps, qui va m'amener à la victoire finale, à la victoire sur la mort, à la victoire sur le péché, sur la maladie, parce qu'il nous a rachetés du péché, de l'esclavage, pour se faire un peuple qui lui appartienne en propre. Quand Dieu vous regarde, les enfants de Dieu, c'est, vous êtes le plus précieux trésor qu'il a. C'est vous. Il a donné son Fils pour vous. Il a permis qu'il soit crucifié. Il a placé sa colère sur lui pour que vous puissiez lui appartenir. Ça, c'était le désir le plus profond de Dieu. Et nous attendons son retour pour que nous puissions lui appartenir sans réserve. Lui ressembler dans la pureté comme dans le zèle des bonnes œuvres. La bienheureuse espérance de la vie éternelle avec Jésus. Et la manifestation de la gloire de Jésus, de Dieu, notre Sauveur. La manifestation, encore ce mot-clé, manifestation. Jésus va rendre visible sa gloire. Quand il est venu il y a 2000 ans, sa gloire était voilée. Il est venu dans une crèche. Il est venu en toute humilité, et c'est la dernière image que les hommes, que la société a vue de mon Sauveur. Mais il revient en gloire. Il vient manifester sa gloire, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur. Jésus revient en gloire. À sa première venue, il était humble, il revient glorieux. Et ça va être bien mieux que d'attendre l'autobus sur le bord du chemin comme ça. Quelle attente nous avons! Nous avons été sauvés par grâce. Sa grâce nous enseigne et nous sommes sanctifiés par sa grâce. Et sa grâce va continuer jusqu'à la bienheureuse espérance de la vie éternelle avec Jésus et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. La grâce va nous glorifier, on va être glorifié par grâce. Et voici ce que Paul dit à Tite. Voilà ce que tu dois dire, Tite. Dis ces choses, exhorte, reprends avec toute autorité, puis que personne ne te méprise. Voilà ce que Tite doit continuellement communiquer en parole, par des encouragements et par des réprimandes s'il y a lieu, avec une pleine autorité, sans mépris. Alors, mon autre question ce matin, le temps passe. Est-ce que la grâce de Dieu est active dans ta vie? Est-ce que tu réalises que Dieu continue de t'instruire, de t'éduquer, de te faire progresser dans ta vie chrétienne par sa grâce? Et peut-être que ce matin, pas peut-être, mais ce matin, le repas du Seigneur, la table du Seigneur, c'est justement un moment privilégié pour ça. C'est un moment privilégié pour, premièrement, se dire, est-ce que je suis chrétien? Si tu n'as pas cette assurance-là, malheureusement, la table n'est pas pour toi. Parce que les éléments qu'on va partager, tu ne les as pas appropriés personnellement dans ton cœur. Alors, pain et jus de raisin et vin n'ont pas de sens. C'est le temps de regarder comment ça va dans ma relation les uns avec les autres. Paul dit, si on mange et boit sans discerner le corps, on mange et boit un jugement contre nous-mêmes. Discerner le corps, c'est pas que le pain va changer en corps, là. Il est où le corps de Christ? Il est ici, le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et quand on partage la table du Seigneur, bien, on a besoin d'avoir ce corps, on a besoin de réaliser le corps de Christ. Comme il y avait des problèmes à Corinthe. Je dois regarder comment je vis ça, moi, dans le corps de Christ. Alors, si, par exemple, je n'ai pas été baptisé, je ne me suis jamais identifié à l'Église chrétienne. Comment c'est difficile de pouvoir partager quelque chose avec le corps quand je ne me suis pas identifié au corps. Oh, j'ai entendu, Daniel m'a dit ce matin qu'il y a un baptême qui s'en vient, 5 décembre? Le 5 décembre. Si tu n'es pas baptisé encore, bien, je t'invite à dire, « Hey, moi, j'aimerais confesser publiquement que je suis un enfant de Dieu avec vous, de sorte qu'on peut grandir ensemble, célébrer Dieu et partager ce repas merveilleux du Seigneur. C'est un temps ce matin pour évaluer si ma conduite chrétienne reflète vraiment la grâce de Dieu. C'est un bon temps aussi pour être encouragé ensemble à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. C'est un temps pour être encouragé à vivre selon les standards de Dieu, selon la parole de Dieu. Et c'est aussi un temps pour se anticiper le retour de notre Seigneur. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, vous faites ceci jusqu'à ce que je revienne. J'inviterai Diane et Pierre, je pense, c'est vous qui m'aidez. Puissions-nous vivre sous l'instruction de la grâce de Dieu.